balcon. On est bon qu'à gifler la concu. Et ouais, l'argent peut te rendre bête. Tout terrain est tôt comme une debu. T'es tempi, mais ton pote il te dit que t'es chaud. Puis quand c'est X, toujours au cachot. Et tu connais le glas qui est caché. C'est mon enfance que le but tu m'as gâché. La cam enveloppée dans des sachets. On te ligote pour 6 chiffres. Les litres sont entassés dans le coffre. Ça rappe fort, ça frappe fort. Et c'est ta défense qu'on perd fort. Je suis là pour les fourrer. Beaucoup de bœufs comme une forêt. Je dégagne le truc et vous courez. Ok, c'est beau, tout est carré. Épisode 7, coupage de tête. D'abord tu quêtes, ensuite tu gères ça. Possession de balles comme le Barça. Les cartes du pupon vont les percer. On passe les rapports, cuisine la pure. La fumée de mon âge qui s'évapore. Je suis affamé de zaïeux comme un vampire. Fais bélec, bats les couilles de ta vie. Devant les bleus, passe pas aux aveux. Dès que je fais feu, je fais un vœu. On est dans la prochaine, elle fait ce que je veux. Je fais tout pour y arriver, j'ai très peu d'alliés. Je suis dans l'escalier, mes liens se sont liés. Bien coffrés sous le lit. Le déchet marocain me canalise. On les a mettra dans cette banalisée. Au Pinel 12, au-dessus de la doudou. Un cylindre, j'écharpe, vient de passer la douane. Est-ce que tu caques, me resserre un cop. Et c'est ma grosse tête que tu gobes. Et si tu parles de nous aux flics, c'est en dessous d'un pot qu'on te retrouve. Je comprends que t'es la frousse. Sacoche, yampli, détail, gyrophare, on détaille. Embrouille sur le métal. Tu parles, tu jacques, beaucoup trop on t'éteint. C'est nous les plus têtus. Quand on arrive, tu te tais. C'est une grosse terre bas, mais t'es pas après, tu lui fais des bisous. C'est une grosse terre bas, mais t'es pas après, tu lui fais des bisous. Jeune Sapolog Z, quand je tiens la bonbonne, je suis zen. Jeune Sapolog Z, quand je tiens la bonbonne, je suis zen. Dans le plan, fais pas mes gras. Tu sens la haine derrière le micro. Le produit est froid dans le frigo. Casse-toi, tu veux tes gras. On fait que de visquer la patrouille. C'est dans ton bloc qu'on vous mitraille. On fait que de visquer la patrouille. C'est dans ton bloc qu'on vous mitraille. T'as passé toute ta vie au fond du hall. T'as passé toute ta vie au fond du hall. T'as passé toute ta vie au fond du hall. Normal. Toute ta vie au fond du hall. T'as passé toute ta vie au fond du hall. Normal. T'as passé toute ta vie au fond du hall. Normal. Entre les bâtiments, les faux pas, t'es la bicra. Entre les bâtiments, les faux pas, t'es la bicra. T'as passé toute ta vie au fond du hall. T'as passé toute ta vie au fond du hall. T'as passé toute ta vie au fond du hall. Normal. Entre les bâtiments, les faux pas, t'es la bicra. Sacoche, yampi, détail, gyrophare, on détale. Embrouille sur le métal. Tu parles, tu jacques, beaucoup trop.